wow. Ah ouais, là, ça m'a emmené très, très loin. 16 ans, je chantais en yaourt, en même en hachis parmentier, hein, vous venez de le voir. Mais merci, merci, ça fait du bien, quoi. Guns and Roses, quoi. Il n'y a que vous pour nous faire ça. Salut Fred, merci à toute l'équipe pour ce super épisode sur Guns N' Roses. Alors, deux anecdotes au sujet de Guns N' Roses et du film Terminator 2. J'avais 14 ans et j'ai fait deux grosses bêtises. La première, c'est que je me suis fait tatouer une rose sur l'épaule. Et la deuxième, c'est que j'ai fait un lissage brésilien pour ressembler au héros de Terminator 2. Et j'ai perdu tous mes cheveux, ce qui a fait criser ma mère. Voilà, merci les gars. Ouais Fred, ça, moi dans les années 90 au lycée, j'étais plutôt team Metallica, mais en vrai avec les potes, on s'enfermait dans les toilettes pour écouter les Guns, tu vois, c'était un petit peu ça, donc ouais, il fallait que ça sorte, voilà, j'étais secrètement en train d'écouter les Guns aux toilettes. Emmène-moi sur la radio France Inter où le rock est cool et les guides populaires avec Frédéric Sigrist. Yo Fred, je t'écoute en podcast entre Raleigh, Greensboro, Winston-Salem, Charlotte, Asheville. Et great job, man. Bravo, c'est bien. J'adore le chaos organisé. Keep it up, dude. Keep it up. Not to be. Not to be. Je crois que c'est clair, je jouerai aux jeux vidéo toute ma vie. Chaque matin où je me retrouve dans un RER bondé, coincé sous une aisselle qui fait de la résistance au savon, en train de me faire traiter de mouton par un de mes compatriotes qui m'en veut, je sais pas pourquoi, parce que je porte le masque sûrement, je mesure les nombreux bienfaits des mondes virtuels. Par contre, j'ignore si les jeux vidéo voudront toujours de moi, car depuis quelques mois, il m'arrive quelque chose que seuls les parents quadragénaires peuvent comprendre. Je m'endors en jouant. Mais genre, littéralement, en plein milieu d'une quête, d'un combat, passé minuit, je subis une sorte de couvre-feu biologique. Alors quand tu fais des jeux solo, ça pose pas vraiment de problème. Par contre, quand tu joues en ligne sur Final Fantasy XIV avec des joueurs anglophones, que tu es dans un donjon en train de combattre un primordial, une créature gigantesque et que ton rôle est de soigner l'équipe, ça peut devenir tendu. Il y a une architecture très précise à respecter quand tu joues à un jeu de rôle en ligne. Le tank protège, le DPS fait des dégâts, et le soigneur s'assure que tout ce petit monde puisse survivre. Bon bah, imaginez maintenant que vous appelez le 15 et que personne répond parce que la personne au bout du fil est en train de pioncer. Et bah, grâce à ça, j'ai appris plein de nouvelles insultes en anglais, et je me suis rendu compte que Tarantino est finalement resté très poli dans ses dialogues. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Sigrist. 4 années se sont écoulées depuis que les races mortelles se sont alliées pour faire face à l'avancée de la Légion Ardente. Azeroth a été sauvé, mais le fragile pacte qui unissait la Horde et l'Alliance n'a pas survécu. Une fois encore, les tambours de guerre résonnent. World of Warcraft est un jeu de rôle sur ordinateur massivement multijoueur. Alors, massivement, c'est un euphémisme, tant WoW, le diminutif de World of Warcraft, est un jeu qui a su rester populaire alors que sa création date pourtant de 2004. En 2021, WoW comptait tout de même 2,19 millions d'aventuriers parcourant quotidiennement Azeroth. Véritable phénomène de société sur lequel beaucoup de choses ont souvent été dites et souvent mal dites par les médias généralistes, on va donner la parole à des vrais connaisseurs et connaisseuses. Et pour cela, j'ai à mes côtés Louise, alias Cruella, bonjour. Bonjour. Vous êtes joueuse professionnelle pour l'équipe Méthode et streameuse World of Warcraft, et votre guilde Méthode est actuellement classée top 5 mondial. C'est ça, tout à fait. Avec nous, pas encore arrivé, Vincent Berry, qui est donc maître de conférence à l'université Sorbonne Paris Nord et chercheur au laboratoire Experis. Ses travaux proposent entre autres une sociologie des joueurs de World of Warcraft et il étudie notamment les sociabilités et l'apprentissage avec le jeu vidéo. Par contre, il n'a pas étudié la circulation dans Paris en été. Avec nous également, Justine Boulanger, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de Women in Games, une association qui lutte pour plus de diversité et de mixité dans le jeu vidéo. Et vous êtes intervenante à l'école XP School Paris, comme professeur entre autres de narrative design et histoire et sociologie du jeu vidéo. Oui, c'est ça, exactement. Évidemment, il ne pouvait pas être absent. On parle de jeux vidéo, il pointe le bout de son nez. Je suis obligé de venir. Olivier Bénis, bonjour. C'est toujours un plaisir d'être là. Mais même si c'est une obligation, enfin ça peut sembler une obligation pour vous, peut-être, je ne sais pas, de me voir tout le temps. Mais en tout cas, je suis très content. Ça fait plaisir. Donc les auditeurs de l'antenne vous connaissent bien, puisque vous êtes journaliste à la rédaction de France Inter. Et vous tenez aussi une excellente chronique tous les mardis de l'année dans le 5-7 qui s'appelle « La faute aux jeux vidéo ». Ensemble, on va tenter de retracer la genèse de WoW, son histoire, ses mécaniques de jeu. On va essayer de vous montrer toute la richesse de cet univers, la diversité qui compose aussi toutes ces communautés mondiales de joueurs. Et qui sait, peut-être vous donner envie de visiter le monde d'Azeroth. Blockbuster spécial WoW, c'est parti. Anduin, aujourd'hui je crois, tout comme toi, que la paix est la plus noble des ambitions. Et pour la préserver, tu devras être prêt à te battre. Pour Azeroth ! Olivier Bénis. Quand on parle de World of Warcraft, WoW, hein, pour les initiés, on a vraiment l'impression d'avoir une langue étrangère, une culture étrangère, mais un monde parallèle comme ça. Donc ça parle de quoi, World of Warcraft ? Alors, ça parle de quoi ? Pour situer le contexte, en fait, World of Warcraft, c'est donc une version massivement multijoueur de l'univers de Warcraft qui remonte à une dizaine d'années avant la sortie, justement, de cette version MMORPG, comme on dit. Voilà, donc c'est un univers qui est un petit peu, pour situer aux gens qui connaîtraient pas du tout, c'est un peu le Seigneur des Anneaux qui se serait encore un peu plus développé au niveau du nombre de races, au niveau du nombre de factions, ce genre de choses. Et c'est un monde, Azeroth, qui est plongé dans une espèce de guerre permanente, d'abord entre l'Alliance et la Horde, qui sont les deux factions principales de World of Warcraft, dans lesquelles, enfin, que les joueurs sont invités à rejoindre. Quand on commence une partie, on est du côté de l'Alliance, soit de la Horde. Sachant que les deux, en fait, ont leurs bons et leurs mauvais points. Il n'y a pas de gentil ou de méchant. Enfin, il y a vraiment, dans des deux côtés, de bonnes raisons de faire la guerre à l'autre, et réciproquement. Et évidemment, au fur et à mesure que l'histoire de World of Warcraft a avancé dans les années, il y a eu des périls plus importants que cette guerre, ce qui fait qu'ils sont restés adversaires, mais qui se sont parfois unis pour faire face à des périls communs, etc. Donc voilà, c'est le Seigneur des Anneaux, mais qui durerait depuis 15-16 ans maintenant, et qui continuerait à avoir des rebondissements dans l'histoire régulièrement, des personnages qui reviennent, des personnages qui disparaissent, etc. etc. Cruella, vous faites partie de la Horde, si je ne m'abuse. C'est ça, vraiment, depuis que je suis toute petite, je suis dans la Horde. C'est mon père qui m'a initiée à la Horde et j'y resterai toute ma vie, exactement. Donc c'est les orques, les trolls, habituellement c'est c'est plutôt les méchants, enfin les méchants, si on peut dire. C'est plutôt les méchants, c'est vrai, c'est ce qu'on dit souvent, mais je pense qu'il y a de bonnes raisons d'être dans la Horde aussi, comme d'être dans l'Alliance. Et vous jouez à WoW depuis combien de temps ? Ça va faire 13 ans que je joue à WoW, donc depuis que j'ai 9 ans, vu que j'ai 23 ans à l'heure actuelle. D'accord, et ça, donc vous y jouez à raison de combien d'heures par jour ? Alors, tout dépend de la période. Là, récemment, donc, je suis sortie il y a une semaine de 15 heures de jeu par jour. Et c'était assez intense, mais du coup, on a des périodes de rush. Et moi, souvent, je stream sur Twitch, of Warcraft, il m'arrive de jouer à peu près 5 heures par jour environ le temps de mon stream. Et là, en ce moment, il y avait un événement particulier qui a fait que vous avez passé plus de temps qu'à l'accoutumée ? C'est ça. En fait, il y a eu une sortie de contenu. Oui. Ils sortent du contenu à peu près tous les 6 mois. Et un nouveau méga donjon qui sort. On a une guilde, donc des joueurs réunis. Et on va aller justement combattre les boss de ce raid. Et une fois qu'on a tué tous les boss de ce raid, on va dire que c'est un peu les vacances, c'est terminé. D'accord. Et donc, quand c'est comme ça, quand vous avez une guilde, il y a un leader, il y a des réunions avec une sorte d'approche, une méthodologie, comment on va affronter ce donjon ? C'est ça, tout à fait. Alors, ça dépend un peu des guildes, parce qu'il y a des guildes qui font le raid dans une difficulté moindre. Mais, par exemple, dans la guilde dans laquelle je suis, oui, il y a des réunions, des entretiens. On a un chef de guilde qui fonctionne un peu comme un chef d'orchestre, qui nous dit quoi faire, etc. Donc oui, on a même des fichiers Excel, qui va faire quoi, etc. Donc c'est vraiment... Et il y a un débriefing ensuite, une fois que le donjon est passé, en disant, bah voilà, écoute, moi je trouve que là, à ce niveau, on a pu compter sur ton temps, qu'il y a des fois des remises à niveau. Alors oui, totalement. Donc on va avoir des débriefs. On a des débriefs à chaque fin de palier. Et donc on va nous dire si on a bien joué, etc. Et je sais que les personnes qui, par exemple, ont été un peu plus faibles que d'autres, seront remplacées. C'est comme ça. Ah, c'est radical. Il y a pas de. Alors ça dépend des guildes, mais dans la mienne, oui, c'est radical. C'est. Ah oui, oui, mais en même temps, vous êtes top 5 et classé mondial, donc en fait, on rigole pas, quoi. Non, pas du tout. D'accord. C'était très bien. Justine Boulanger, vous avez commencé à jouer à WoW à partir de quel âge ? Ah oh, alors moi, le truc, c'est que quand j'étais déjà toute petite, j'avais déjà mon grand cousin qui jouait avec celle qui est devenue sa femme aujourd'hui. Et un jour, ils se sont dit, ma petite cousine, elle aime bien les jeux vidéo, on va la mettre sur un MMO vachement bien. C'était la sortie de World of Warcraft, hein, donc c'était en 2005, l'été suivant. Et en fait, je me suis retrouvée là avec mon cousin qui me disait quoi faire à côté. Et comme j'avais déjà de base une très forte appétence pour les jeux vidéo, j'avais un peu la tendance à piquer les consoles de mes cousins, à finir les jeux avant eux, à écraser leurs sauvegardes. Oups. Vous êtes encore en bon terme avec ses cousins ? Oui. Oui, oui, oui. Et on va dire qu'ils ont plié le genou en voyant qu'en fait j'étais une encore plus grosse gameuse qu'eux. Donc voilà, ils ont un petit peu abdiqué. Et c'est comme ça que j'ai découvert en fait World of Warcraft. Donc j'étais bien plus jeune. Et étant donné que c'est un jeu qui nécessite un abonnement, quand on est petit, quand on est enfant ou quand on est préadolescent, c'est compliqué de gérer un abonnement par mois pour jouer à un jeu vidéo. Et encore plus de le justifier auprès de ses parents. Donc moi, j'ai vraiment attendu d'avoir peut-être 18-20 ans, d'avoir un peu de sous de côté, ou du moins l'aval de mes chers parents. Un petit peu comme une liaison, mais genre on attend que je sois un peu plus vieux. Ouais, c'est ça. Et puis c'est quand même très chronophage. C'est très addictif hein, quand on s'y met, parce qu'il y a une tonne de contenu. Effectivement, on peut être dans des guildes, ce qu'on appelle hardcore, ce qu'on appelle aussi PGM, donc pro gamer. C'est vraiment des guildes. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une exigence de présence. C'est ça. Et de compte actif, de quête journalière, de quête hebdomadaire. C'est ça. En fait, c'est quasi militaire. C'est quasi un autre travail. Mais à côté de ça, on peut faire un milliard de choses dans World of Warcraft. Et c'est ça qui est passionnant. On peut passer des journées entières à juste explorer le monde à l'intérieur virtuel qui est extrêmement vaste. On peut faire de la pêche, on peut faire de la couture, on peut faire autre chose qui s'appelle du roleplay, donc jeu de rôle en français, qui s'y prête merveilleusement bien dans World of Warcraft. Il y a tout un tas de choses pas du tout difficiles d'accès qu'on peut faire, et c'est ça qui est dangereux au final, c'est qu'on a tendance à s'y perdre très très vite, très très vite. Donc voilà, moi je m'y suis perdue, clairement. Moi je m'y suis perdue, j'ai aussi fait partie à l'époque de grosses guildes, mais bon, ça remonte, alors pour vous dire, je me rappelle même pas le nom. Alors c'est quand même désastreux, et aujourd'hui je fais plein de choses, mais j'adore l'exploration. Mais il faut dire, parce que souvent on pointe du doigt WoW, justement pour son côté addictif, mais c'est quelque chose qui fonctionne aussi avec le modèle tout simplement économique, et puis aussi la structure du jeu, c'est-à-dire qu'on peut retrouver ça sur Final Fantasy XIV, et même aujourd'hui sur des jeux de mobile, Genshin Impact a aussi un système d'abonnement, où il faut jouer tous les jours pour faire monter ses personnages, etc. Donc c'est aussi un mode de jeu, c'est pas que WoW, c'est pas Blizzard est pas le seul responsable de ce modèle-là. Ah non, absolument pas. On va dire que WoW a été le premier gros MMORPG à instaurer ce système d'abonnement et à le rendre, on va dire, justifiable de par son énorme contenu. Mais après, il y a plein d'autres MMORPG, par exemple, qui n'ont pas de système d'abonnement, qui fonctionnent très bien sans. Alors, ce genre de jeu, par exemple, on va acheter comme un jeu classique, la boîte, le CD ou la version numérique. Et même si c'est un MMORPG et que ça fait 10 ans qu'il existe, qu'il est sans cesse mis à jour, il n'y a pas d'abonnement. Par contre, à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle des micro-transactions. Oui. Et ça va être des achats de vêtements, de montures, de gadgets. Fortnite, non, c'est un peu à ça que vous pensez. Pas forcément, parce que Fortnite, on ne peut pas dire que c'est un MMORPG. Je pense notamment à Guild Wars 2, qui a été pendant longtemps considéré un peu comme le rival de WoW, en plus récent bien sûr, et qui continue à l'être, notamment parce que justement, en comparaison, Guild Wars 2, il n'y a pas d'abonnement. Donc ça facilite aussi les choses. On va continuer de parler de WoW avec Cruella, Justine Boulanger, Vincent Berry qui nous a rejoint, Olivier Bénis, mais pour le moment, on écoute War d'Edwin Starr. C'était War d'Edwin Starr dans Blockbuster sur France Inter. Oh, excusez-moi, ça m'a pris comme ça. Tous ceux qui travaillent sur World of Warcraft jouent au jeu. Nous sommes les premiers critiques. Et notre philosophie, c'est d'être sûr que c'est bon, que c'est cool, que c'est de la qualité. Et je pense que cet engagement, cette passion fait que chaque nouvelle extension est géniale et meilleure que la précédente. Cruella, est-ce que les extensions sont effectivement toujours meilleures que les précédentes ? Alors, ça dépend. Pour être honnête, moi, il y en a certaines que j'ai pas du tout aimées, d'autres beaucoup plus. Et c'est pas les plus récentes qui sont les meilleures. Ça dépend vraiment totalement. Ça dépend de l'univers parce que des extensions sur WoW, c'est totalement différent. On a un nouveau monde, souvent un nouveau continent qui s'ajoute au jeu. Des nouveaux raids, des nouveaux donjons. Après, je pense que ça dépend aussi de comment on l'a vécu, la période justement qu'on traversait à ce moment-là, les guildes dans lesquelles on était, les connaissances, etc. Donc je pense que ça peut jouer aussi sur si on a aimé l'extension ou pas, en plus de l'univers du nouveau monde qui s'ajoute. Et alors, en termes de communauté, parce que je sais que parmi les gens qui jouent à World of Warcraft, il y a des genres différents, des âges différents, des classes sociales différentes. Il y a vraiment, là, je me tourne vers Vincent Berry, il y a vraiment une sorte de diversité en termes de joueurs de WoW qui est quand même assez impressionnante. Alors c'est vrai, et c'est ce qu'a apporté WoW en réalité au monde du MMO. C'est-à-dire que le MMO, c'est pas tellement WoW qu'il a inventé, il l'a popularisé en réalité. Il l'a sorti un peu de son genre. Je redis bien aux auditeurs que MMO, c'est Massive Multiplayer Online, c'est les jeux de rôle majoritairement. On peut dire monde virtuel, voilà. Comme ça parle aussi. Donc en fait, Blizzard a pas inventé un genre, il a plutôt simplifié. Il y a un jeu avec une profondeur, mais il l'a rendu plus accessible que et du coup, le public qui était parce que j'avais travaillé sur ce genre de jeu, et avant il y avait un public qui était très homogène socialement, c'était très très masculin, très branché techno, plutôt diplômé. Et effectivement, WoW a eu un effet de démocratisation du genre, à la fois en termes d'âge, c'est-à-dire qu'on a vu tout d'un coup des moyennes d'âge avec des écarts-types plus grands, c'est-à-dire qu'on voyait des collégiens, des lycéens jouer, alors que les collégiens étaient quand même pas très présents là-dessus. Et puis on a vu aussi en termes de classe sociale, des milieux un peu populaires jouer à World of Warcraft, et aussi une ouverture sur la question du genre. Bon, c'est un des MMO où il y avait un peu plus de joueuses qu'habituellement dans ce type de jeu. Et comment on explique ça? Est-ce que c'est lié à l'histoire, au design des personnages, des environnements? Alors, je pense qu'il y a quelque chose qui est très lié à Blizzard. C'est, enfin, pour caricaturer un peu, mais je pense que Blizzard a un côté Apple du jeu vidéo. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont une capacité, pas tellement à innover, à inventer, en fait, des genres, mais à travailler sur les interfaces, à travailler sur l'accessibilité. Et effectivement, si vous comparez, moi, j'avais fait une enquête sur plusieurs MMO, et notamment un qui s'appelait Dark Age of Camelot, qui était le MMO à l'époque avant World of Warcraft. On voyait, il fallait calculer des trucs, alors que en termes de design, Blizzard avait fait en sorte que le coût d'entrée soit le plus faible possible, c'est-à-dire qu'on soit accompagné, que les tutos soient présents, qu'il n'y ait pas de CAC, on l'appelait CAC, enfin des chiffres cachés, voilà. Donc il y a eu ce travail d'accessibilité pour baisser en fait le coût d'entrée du jeu. Donc c'est assez explicatif de pourquoi on a eu tout d'un coup des une population plus diverse. Mais en littérature, quand il y a d'énormes sagas, d'énormes franchises comme ça, on peut des fois entendre que lecteur se sentir un peu écrasé devant le poids de la mythologie. Et là, pour World of Warcraft, effectivement, est-ce qu'il y a des ponts qui sont faits pour quelqu'un qui voudrait s'y essayer? Par exemple, en écoutant cette émission, quelqu'un se dit « bah tiens, je voudrais essayer World of Warcraft ». Est-ce qu'il y a quelque chose qui va lui permettre de rentrer facilement dans le jeu et rejoindre ces groupes qui ont des fois des années et des années d'expérience avec leurs personnages? Là aussi, on voit quand même la qualité, on va dire, des game designers de Blizzard, c'est-à-dire d'avoir toujours fait en sorte, alors parfois au grand dam des joueurs anciens, mais de rendre l'entrée de moins en moins coûteuse, de pouvoir rattraper une logique de rattrapage très forte, ce qui a souvent posé des problèmes dans les communautés en disant mais qu'est-ce que c'est, mais ça c'est la classique dans les jeux vidéo, qu'est-ce que c'est que ces gens-là, en un mois ils ont le niveau que j'avais au bout de deux ans, mais ils ont souvent travaillé. C'est pas des vrais. C'est pas des vrais, mais c'est vrai qu'il y a le côté un peu l'armée, c'est quoi ces newbies, voilà. Et donc Blizzard a toujours été attentif là-dessus, et puis on évoquait la question de l'abonnement, c'est-à-dire que l'abonnement c'était le modèle économique dominant dans les MMO jusqu'à WoW. Effectivement, le free-to-play est arrivé et a commencé à ébranler le modèle économique. Mais on a vu que ils ont fait des packs découvertes, ils ont une capacité d'adaptation qui est aussi explicative en fait du succès de ce MMO dans le monde du jeu vidéo. Olivier Bénis, on parle quand même d'un jeu qui est apparu donc en 2004-2005, on est en 2021. Est-ce que le moteur de jeu, lui, a changé, vu qu'on est sur la base quand même de serveurs qui restent en activité tous les jours, parce que il fait forcément jour quelque part, il y a forcément des gens qui ont envie de jouer. Donc comment on fait pour rester à la page dans une technologie qui évolue, avec un jeu qui n'a pas vocation à s'arrêter? Eh bien, on ne le fait pas toujours, déjà, parce qu'une des caractéristiques de World of Warcraft, et c'est généralement quelque chose que fait Blizzard, comme on disait, sur le côté, il faut que ça reste accessible tout le temps, ils font en sorte que World of Warcraft, notamment, soit toujours jouable sur des machines qui ont au moins 5 ans. Ça peut remonter assez loin. Donc c'est jamais, les mises à jour de World of Warcraft ne sont jamais au top de la technologie actuelle, mais c'est pas grave, parce que c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est qu'il y ait ce monde persistant qui dure le plus longtemps possible, et que Blizzard puisse, entre guillemets, y attirer de nouveaux gens le plus possible et que ces gens ne soient pas perdus. Et c'est vrai que quand on commence aujourd'hui la toute dernière extension qui est sortie en novembre-décembre dernier, Shadowlands, il y a une sorte de petite île pour les débutants, c'est-à-dire que quelqu'un qui débarquerait totalement dans le jeu, qui crée un nouveau personnage, va pas être paumé au milieu de millions d'autres joueurs qui ont des niveaux beaucoup plus élevés que lui, qui sont déjà sur des donjons. Une sorte d'île tutoriel. Voilà, une petite île tutoriel où il va apprendre les choses, où il va aussi croiser d'autres joueurs, d'autres novices qui commencent et des choses comme ça, et il va commencer à acquérir les bases. Et ça a toujours été un objectif de Blizzard sur la plupart de ses jeux, parce que c'est un éditeur qui ne fonctionne pas sur un rythme de sortie de nouveaux jeux très important. C'est-à-dire que Blizzard, ils sont beaucoup, on a quelques grosses licences, on a des gros jeux, et on essaie petit à petit de continuer à les conserver un peu amoureusement, voilà, de les améliorer petit à petit. Il y a Diablo 3 qui commence déjà à accuser son âge aussi. Il y a même Warcraft, hein, tout simplement. Il y a le Warcraft 3 qui est ressorti dans une version remake il n'y a pas très longtemps. Il y a Overwatch aussi sur lequel ils font un système de saison, comme dans Diablo d'ailleurs. Vraiment, leur objectif, c'est pas de dire on va sortir un nouveau jeu tous les ans, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut faire cette année pour améliorer un petit peu plus les deux ou trois jeux, les deux ou trois grosses licences auxquelles les gens jouent. D'abord pour ramener des abonnements, hein, dans le cas de World of Warcraft, c'est qu'il faut maintenir l'intérêt des joueurs pour qu'ils continuent à payer chaque mois pour participer, parce que c'est vrai que quand vous avez quelque chose tout simplement de financier et que vous payez chaque mois pour jouer à quelque chose, vous avez envie de continuer. Un abonnement mensuel à vue de nez, c'est autour de combien ? C'est entre 10 et 15 euros, je crois, quelque chose comme ça. C'est pas si énorme, mais ça peut aller vite, hein. Il suffit de rester très très longtemps dessus. C'est juste que, symboliquement, le fait de se dire « ça me coûte de l'argent, y compris quand je ne joue pas au jeu », ça vous donne envie d'optimiser. Et à l'inverse, ça donne une sorte d'obligation à Blizzard de vous fournir en échange quelque chose qui va se renouveler, qui va pas être tout le temps la même expérience dans laquelle vous allez trouver des choses. Le renouvellement, il se trouve dans le fait que ce soit massivement multijoueur, c'est-à-dire que vous allez jamais croiser les mêmes personnes ni faire les mêmes aventures. Et dans ces nouveaux contenus qui rajoutent régulièrement, qui permettent de faire de la valeur ajoutée sur le jeu. Cruella, je vous pose la question parce que je sais que quand on parle de jeux comme ça, de rôle en ligne à des gens qui n'y ont jamais joué de leur vie, tout de suite c'est le côté immersif, univers dans lequel on se plonge, qui peut effrayer les gens. Et le débat c'est pas là-dessus parce que je suis moi-même joueur et je sais combien c'est plaisant. Mais comment vous expliqueriez ce que vous avez pu trouver dans cet univers qui manquait peut-être au reste des activités qu'on pouvait vous proposer ? Tout simplement déjà le fait de pouvoir incarner un personnage, c'est-à-dire que on est dans un univers qui est totalement fantastique, un peu comme vous l'aviez dit du style du Seigneur des Anneaux, et on peut vraiment faire plein de choses comme on l'a dit tout à l'heure, des métiers, de la couture, etc. On peut aller pêcher si on veut, rencontrer des gens. Par exemple, je sais qu'avec le coronavirus, le fait de pouvoir parler à des gens, jouer avec eux, finalement, ça m'a permis de passer le confinement de façon beaucoup plus agréable. Et du coup, oui, tout cet univers-là, tout ce qu'on découvre, tout ce qu'il y a à faire, parce que c'est vraiment hyper vaste. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de gens d'âges différents qui jouent. Moi, ça m'a apporté quelque chose dans ma vie. Et d'ailleurs, j'en fais même mon métier maintenant, donc ça m'a apporté vraiment beaucoup de choses dans ma vie, clairement. Alors on va faire une petite pause musicale avec un chanteur qui est dans une vibe très très lounge. T'as l'impression d'être dans un café du jeu vidéo Persona. Et on écoute Monsieur Giscard, un nom comme ça, ça s'invente pas, avec Pas Personnel. Aïe-ho, aïe-ho, second vers le même que le premier. Je fais de la merde quand t'es pas là, c'est pas sans tes bas, je passe tant que t'es là, je passe tant que ça, j'ai de la merde, tu comprends pas. Je veux pas de toi, non, je veux pas de toi. Mais c'est pas personnel, les autres sont plus belles. Je suis sous Jack Sommier, quand tu seras belle. Mais c'est pas personnel, les autres sont plus belles. Je suis sous Jack Sommier, quand tu seras belle. Mais c'est pas personnel. Merde. Bon, bah vas-y, on le fera après ça. Pécho, c'est que tu me plais pas, en vrai j'ai pas confiance en moi. Si t'es belle, je parlerai pas, donc si t'es belle, casse-toi. Je ne suis jamais vraiment moi, pas brûlé, ça compte pas. Je veux que je les compte sur mes doigts, donc ne prends pas pour toi. Pas pour toi, non, pour toi, yeah. Mais c'est pas personnel, les autres sont plus belles. J'suis sous Jack Sommier, quand tu seras belle. Mais c'est pas personnel, les autres sont plus belles. J'suis sous Jack Sommier. pas personnel, pas personnel, personnel, pas personnel, mais c'est pas personnel. C'était Monsieur Giscard avec Pas Personnel. Blockbuster. On dit souvent que le temps n'a qu'une direction. Frédéric Sigrist. C'est manquer de vision. Et d'un discombobulateur temporel. Sur France Inter. Justine Boulanger, je vous pose la même question qu'à Cruella. Qu'est-ce que ça vous a apporté de vous lancer comme ça dans l'univers de Wu? Eh bien, moi qui suis une grande amatrice de littérature, notamment de littérature fantasy, SF, etc., et de films et de séries, en fait, ça m'a donné l'occasion d'incarner une histoire qui est absolument gigantesque et dantesque, parce qu'effectivement, le monde de World of Warcraft est immense, et d'en faire partie, et de faire mes choix, la Horde donc, ou l'Alliance pour commencer, et ensuite de me dire, ah bah, si j'avais le choix de qui je suis, est-ce que je suis un homme, une femme, est-ce que je suis une elfe, est-ce que je suis une gnome, est-ce que je suis une trollesse, est-ce que je suis une morte vivante, tout cette infinité de choix finalement pour me permettre de redéfinir qui j'ai envie d'être, à quel moment précis et quelle aventure j'ai envie de vivre, j'ai trouvé ça absolument incroyable. Bon, alors moi, j'ai pas vraiment de camp entre la Horde ou l'Alliance, mais j'ai une race favorite, j'adore les elfes de la nuit. Donc, qui font partie de l'Alliance, et c'est un des peuples les plus anciens de World of Warcraft. Alors effectivement, je me suis plongée dans leur histoire, j'ai été explorer tout leur monde, leur univers, comprendre quels étaient leurs dirigeants, que s'était-il passé il y a 1000 ans pour cette race, comment ils ont évolué, comment ils ont intégré l'Alliance. Et au final, je me suis retrouvée à vivre des histoires politiques, à vivre des problèmes raciaux, et des problèmes sociologiques que finalement on peut retrouver dans la réalité. Sauf que ces problèmes-là, eh ben, dans ce jeu, ils ont une solution. Et souvent, effectivement, ils ont une solution qui se termine bien. Parce que dans un jeu... C'est la beauté des jeux vidéo. Voilà, il faut que ça se termine bien. Du moins, dans World of Warcraft, en général, les méchants sont punis et les gentils l'emportent. Je dis bien en général. Et c'est cette multiplicité en fait d'aventures à vivre soi-même que je trouvais incroyable, et de me dire, ah bah tiens, j'ai pas envie de marcher parce que la ville dans laquelle je dois me rendre, elle est trop loin, bah je vais me transformer en panthère et je vais y aller en coupant en travers la forêt. Alors ça, c'est le genre de choses qu'on ne peut pas faire, évidemment, et qu'on ne peut pas faire dans un livre, qu'on ne peut pas faire dans un film. Et là, bah, on se dit, bah, c'est moi le héros, en fait. Moi, ça m'a beaucoup rappelé dans ma jeunesse quand je lisais les livres dont vous êtes le héros. Et bah, finalement, là, on a construit tout un monde, c'est visuel. On a des musiques qui sont incroyables. Et quand on a envie de se plonger encore plus dans ce genre d'univers, Blizzard, c'est là où ils ont été très forts. Ils ont sorti des livres, ils ont fait un film, ils ont sorti des BD, ils ont sorti tout un tas. Un film d'ailleurs qui n'est pas à rougir. Hein. Alors, ça dépend, parce que les puristes, je pense que Cruella qui est là, elle sera du regard. Voilà. Elle est, oui. Je pense qu'elle sera d'accord avec moi. Les puristes qui connaissent ce qu'on appelle le lore, donc c'est l'histoire du jeu. Alors on a un mot ici, et sur Twitter, ils ironisent beaucoup, parce que ça fait 4 émissions qu'on l'utilise, c'est cosmogonie. Ah. Voilà, cosmogonie. C'est pour les auditeurs qui sont un peu allergiques aux anglicismes. Ah, d'accord. Donc la cosmogonie. Donc la cosmogonie du jeu, c'est ça? Bien. Et bien, la cosmogonie du jeu n'a pas du tout été respectée dans le film. Là, justement, ça a été très américanisé, si je puis dire, dans le film. Tout se termine bien, personne n'est méchant, sauf l'horrible orque Gul'dan. Mais bon, il meurt, c'est pas grave. Oui, bah oui. Mais non, mais la gentille orque hybride, la Mythis, elle est gentille. Sauf que dans la cosmogonie de World of Warcraft, ça se passe pas du tout comme ça. Ça se finit pas bien. Après, il y a une revanche qui fait que ça se finit bien. Mais on va dire que... Et là, ils ont peut-être senti qu'ils n'allaient pas avoir le financement pour un deuxième. Donc ils c'est sont possible. Dit, on va couper là. On va arrêter net. Ça va se finir plus ou moins happy end. Et voilà. Donc... Au niveau de l'histoire, le film est un peu difficilement appréciable par les puristes, mais même moi je reconnais que rien que visuellement, oui, visuellement c'est... Il est absolument extraordinaire. Et puis l'acteur principal dont j'ai oublié le nom, qu'on a vu dans d'autres séries et d'autres films, c'est magique de voir en fait des acteurs qui sont pas du tout dans le monde du jeu vidéo dans ce genre de film. On se dit waouh, tout ce qu'on a joué avec des pixels qui n'étaient pas forcément formidables, hein, ou wow, à la base c'était quand même assez moche, hein, avec les évolutions graphiques qu'on a eues. Et ben là, waouh, c'est beau. Il y a des vrais gens qui incarnent nos héros, nos personnages, c'est formidable. Et quand on crée un personnage, quand on crée un avatar comme ça dans un jeu aussi immersif, est-ce que ça vous fait comme pour moi sur d'autres jeux, c'est-à-dire que vous êtes mais véritablement attaché à ce personnage que vous avez créé, au nom que vous lui avez donné, et vous le reprenez envers et contre tout en vous disant non, je vais pas en recréer un, il m'a suivi avec trop d'aventures, je dois le reprendre pour lui faire poursuivre son développement personnel. Alors oui, déjà première raison à ça, c'est que donc World of Warcraft a une histoire tellement immense et il y a un nombre de quêtes incalculables et à l'heure actuelle un nombre d'extensions incalculables. Déjà pour refaire un personnage de zéro et le remonter au niveau maximum, le rééquiper, rien que ça, ça prend très très longtemps. Je oui, pense parce qu'en plus, il y a aussi les équipements oui. Légendaires, etc., qu'on récupère, qu'on associe... Dans les fameux donjons et raids dont Cruella, justement, parle et qu'elle fait. C'est un peu le but, c'est de s'équiper, d'avoir une belle armure, d'être plus fort, plus puissant, plus résistant. Donc rien que ça, tout recommencer de zéro... C'est un peu la croix et la bannière. Et ensuite, moi qui en plus pratique le jeu de rôle, notamment le jeu de rôle en ligne sur World of Warcraft, typiquement, mon personnage, c'est un peu mon bébé. Moi, je, dans ma tête, je lui ai imaginé un nom, je lui ai imaginé une histoire, je lui ai imaginé un caractère. Et quand je vois qu'il se fait littéralement poutrer par des monstres qui lui arrivent ci et ça, et là, il est inconscient, et là, c'est censé être un super héros. J'imagine que là, les auditeurs ont compris ce que voulait dire poutrer. Il se fait déchirer la tête par des adversaires. Ah oui, oui, oui. Puis quand on voit les monstres de World of Warcraft, effectivement, la plupart sont gigantesque, celui de la dernière extension Shadowlands, je sais pas combien de mètres il mesure, enfin bon, là à la fin il a récupéré une armure gigantesque, on n'a pas envie de s'y frotter, vraiment pas, donc je me dis bon, mon petit personnage là, ma petite elfe de la nuit, j'ai bien envie qu'elle vive plus longtemps. Je me suis battu toute ma vie, j'ai vu des royaumes brûler, de courageux héros mourir en vain. J'ai eu du mal à faire confiance après avoir tant perdu. Mais tu m'as appris la patience, la tolérance. Et la foi. Cruella, quand on joue au niveau mondial et au niveau compétitif comme c'est le cas pour vous, est-ce qu'on peut encore avoir le loisir justement de d'errer dans l'univers comme on veut? Voilà, de créer un personnage auquel vous êtes attaché, ou est-ce que vous devez forcément garder le personnage optimum et qui va répondre le plus aux besoins et aux exigences de la guilde? Alors encore une fois, ça dépend la période, justement si on est en période, comme je le disais, de progrès, donc quand un palier vient de sortir. Moi par exemple, je ne peux pas choisir la race que je veux, parce qu'il y a des races un poil plus optimales que d'autres. pour telle ou telle classe. Par exemple, moi, je joue orc alors que j'adore les elfes de sang. Mais c'est parce que voilà, je gagne 1% de dégâts en plus et du coup, je suis obligée de le faire pour ma guilde. Mais après, je peux, par exemple, changer de race et repasser elfe de sang et refaire ce que je veux après une fois que cette période... Pendant votre jour off. C'est ça, ouais. Et oui, après, je peux pas me balader dans l'univers comme je veux parce que on a une préparation avant que le raid ne sorte. On doit, par exemple, tuer des monstres pour récolter tel ou tel équipement pour se préparer justement à la sortie du raid. Donc en fait, on a vraiment un planning à respecter. On doit se lever à 9h, coucher à minuit, etc. Donc voilà. Mais là, j'imagine les auditeurs qui, avec cette émission, ont découvert World of Warcraft. Ils disent ah ok, j'ai compris le jeu. C'est pas réellement comme ça. Et qui tout d'un coup, on entend parler de cette logique de travail et de rentabilité. Et je pense que les gens doivent se dire mais pourquoi? C'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser, c'est-à-dire que pourquoi s'imposer des contraintes dans le jeu qui finalement sont les mêmes que dans le monde réel? Ben pourquoi? Parce qu'en fait, à ce niveau-là, ça devient un challenge et même un métier pour certains. Par exemple, je sais que la première et la deuxième guilde mondiale ont un salaire, tous les joueurs ont un salaire, c'est leur vrai métier. On a aussi un contrat de joueur dans ma guilde sous forme de prime, par exemple, et c'est vraiment leur métier. Et toujours donner le meilleur de soi, faire du mieux qu'on peut. Et il y a aussi un challenge entre les guildes, parce qu'il faut être meilleur que l'autre. Et les joueurs sont de plus en plus forts, plus les extensions passent, et les raids aussi sont de plus en plus compliqués. On a de plus en plus de mécaniques, de boss. Et en fait, les joueurs veulent donner le meilleur qu'ils peuvent. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une envie de professionnalisation. Faut passer, ouais, les limites. Et de rejoindre un petit peu le mental d'un sportif. C'est ça. Et de se dire, ok, il y a des gens qui prennent ça comme un jeu. Moi, j'ai décidé d'aller au bout de la compétitivité qui pourrait s'en dégager. C'est ça, c'est un peu comme les Jeux Olympiques, par exemple. D'accord. Alors, Vincent Berry, vous, quand vous avez découvert cet univers, toutes ces communautés, est-ce que vous vous y êtes laissé prendre? Et est-ce qu'aujourd'hui, vous avez encore un avatar sur WoW auquel vous jouez comme ça en dehors de vos études? Alors sur WoW, non, pas du tout. Sur un autre jeu, sur le jeu dont je parlais, Dark Age of Camelot, oui, j'étais beaucoup plus investi. Sur WoW, j'ai dû le revisiter par le biais de mes neveux il y a quelques années, mais non, j'ai pas rejoué depuis mon enquête. D'accord, donc c'était vraiment tout du long un regard extérieur. En fait, vous aviez déjà donné votre cœur à Dark Age of Camelot, c'est ça? Non, en fait, moi j'avais fait deux terrains pour puisque l'idée c'était de faire une sociologie de ces joueurs-là, enfin, et de ce loisir. Et puis pour vous dire l'histoire, c'est que j'avais commencé sur Dark Age of Camelot et peu de temps et à ce moment-là, World of Warcraft est sorti et j'ai vu mon terrain se vider, c'est-à-dire que les gens partaient de Dark Age pour partir sur d'autres, donc j'ai suivi. Alors les c'est triste disent... d'ailleurs de voir des fois des exodes comme ça sur des jeux, ouais, massivement multijoueurs. On parle de migration comme, oui, les oiseaux, et donc, oui, moi j'ai suivi et donc je me suis retrouvé à jouer à WoW, mais à titre personnel j'aimais bien, mais j'avais plutôt une attache au premier, voilà, pour des raisons d'investissement, en fait. Ouais. Olivier Bénis, je veux savoir, est-ce que vous avez un petit personnage avec une race que vous avez choisi sur WoW? Alors oui. C'est le moment, les auditeurs de France Inter veulent savoir. En fait, moi, j'avais joué un tout petit peu à World of Warcraft, vraiment quand c'était sorti, parce que j'étais un grand amateur des épisodes précédents, donc qui étaient pour le coup des jeux de stratégie principalement solo, avec des modes multijoueurs, des choses comme ça. Et donc, World of Warcraft m'avait intrigué à l'époque quand c'était sorti. Et puis, j'avais eu un petit peu ce blocage autour du côté... C'est le côté de manque d'habitude. C'est que moi, j'aime bien quand j'achète un jeu, qu'il soit acheté et qu'il soit complet chez moi. Et le côté abonnement, au début, ça m'avait un peu bloqué. Voilà. Donc, j'ai fait quelques mois dessus en regardant un petit peu, puis j'avais un peu laissé tomber. Et là, dernière, quand Shadowlands est sorti, vraiment la toute dernière extension, je me suis dit tiens, ça ferait quoi de me remettre à ce truc-là vraiment à zéro 15 ans après la sortie du premier pour voir. Et donc je me suis retrouvé comme un newbie sur mon île de débutant où j'ai créé un petit elfe de sang justement qui était un voleur et qui se baladait là-dessus. Et donc j'avais rejoué un petit peu dans le cadre d'une chronique aussi. Je m'étais dit tiens, c'est l'occasion justement d'aller voir le ça. Travail, il a bon dos, Olivier. Ouais, oui, c'est toujours le bon argument pour continuer à faire du même RPG. Et en fait, j'avais trouvé ça hyper intéressant parce que je me suis rendu compte que entre-temps, donc sur ces 15 ou 16 ans, il s'était passé énormément de choses et c'était devenu vraiment un univers qui avait vécu sans moi. Et c'est très bizarre en fait d'arriver dans quelque chose qui vous dépasse totalement. C'est-à-dire que on parlait tout à l'heure du fait que c'était agréable de créer un héros. En fait, on crée un héros, mais on n'est jamais le héros du jeu. C'est-à-dire que tous les enjeux en fait vraiment du monde de World of Warcraft vous dépassent. Et donc vous êtes un personnage parmi les autres. Et ça apprend un petit peu l'humilité. Et ça apprend aussi à découvrir qu'est-ce qui s'est passé, toute la mythologie du jeu, tout ce qui s'est passé dans les histoires développées par les créateurs, y compris aussi dans les histoires créées par les joueurs eux-mêmes qui se sont racontées au fil des années. Alors avant d'attaquer la troisième partie de cette émission, on va se mettre bien en écoutant Damon Albarn avec Polaris. Cette émission est réalisée par Céline Hila, elle a été préparée par Manon Rax, Cyril Marchand, notre stagiaire Robinson Radenac et notre stagiaire réalisation Véronique Ameyer et aujourd'hui Ronan Maillet à la technique et Mathias Saléon et Jérémy Kaufmann au mixage. Filling in the parts of your life that have disappeared. Medicating. Quick step reflections in the dark. Mirrors of our life. C'était Damon Albarn avec Polaris. Yon Yon qui vient de se faire dispel le ship, Nolive qui essaye de re-ship, Yon Yon qui se prend un ship 2, Nolive qui se prend un peu de dégâts de la part de Hung, ou peut-être que Nolive va mourir. Attention, il y a Nova qui part, il suffit d'une charge, un ship sur Nolive, Nolive va tomber, est mort, la chaîne de succès incroyable sur Tal Vitry entre les clones, il y a le Fear, les clones, le Deep, et Nolive ne pouvait pas tenir. Il a réussi à remonter un tout petit peu à 40-50% PV, après c'était plus possible. Et là, on a écouté ce passage dans le bureau et je comprends pas. Je comprends pas ce qu'il dit. En fait, donc ça, c'est lors d'un combat d'arène, c'est ça? C'est un commentateur? C'est ça, à mon avis, je pense que c'est ce qu'on appelle du PVP, du player versus player, oui. Donc du joueur contre joueur. Et à mon avis, oui, c'est un commentateur d'arène. Donc il y a des tournois d'arène qui s'appellent les AWC et qui sont organisés par Blizzard, justement, avec des casters. Oui. Avec des. Oui, oui, d'accord. Et pardon, des commentateurs. Des commentateurs, d'accord. Et alors, c'est quoi le deep? À un moment donné, il dit. Alors, chip. Je pense qu'il parlait du dips, qui est du coup le dégât. Ship. Ah, le DPS en fait. Le dégâts de. Ouais, d'accord, c'est ça. Ok. C'est bon, Céline. Je dis ça à la rédaction. J'ai compris, ça y est. C'est juste que je savais pas qu'il disait Dips. D'accord, donc DPS. Okay. C'est ça. Après le ship, donc c'est le mouton, c'est un sort que le mage par exemple incante, qui du coup transforme le personnage adverse en mouton, etc. Donc on a beaucoup de termes anglais finalement qui sont utilisés parce que c'est plus rapide de les prononcer que de les dire en français. Après ça a l'air incompréhensible comme ça pour le néophyte, mais des commentaires de rugby par exemple pour quelqu'un qui connaît pas le rugby, c'est tout à fait pareil. Il y a pas de jugement de valeur. Oui, on est dans Blockbuster. Je me doutais. Il y a pas de jugement de valeur, mais là vraiment, c'est-à-dire que je suis arrivé aux limites. Là je comprends pas ce qu'il dit. Là je ne comprends pas. C'est comme toute chose qui est un petit peu technique et vraiment avec des fans, avec des gens qui sont sur le long terme en fait à jouer dessus. Il y a des termes techniques qui apparaissent parce que, comme on disait, ils sont plus pratiques, ils sont plus rapides à dire, des choses comme ça, et que quand on est vraiment dans une action un petit peu effrénée, des fois c'est plus facile de dire buff par exemple que de dire mets une amélioration de tel type. Voilà. Oui, le buff, ça s'écrit pas comme l'animal. Hein. Absolument pas. Ça peut provoquer des confusions au début. C'était un amplificateur. Et alors, c'est un jeu qui existe depuis 2004, qui a eu des droits à des extensions, mais World of Warcraft doit se poser le même problème que toutes les autres franchises, c'est comment renouveler son public, et donc est-ce qu'il y arrive, est-ce qu'il y a des nouveaux joueurs, parce qu'en plus il y a des concurrents de poids qui sont arrivés, je sais qu'il y a League of Legends, il y a Final Fantasy XIV dont je parlais aussi, qui a fait jeu égal à certains moments avec WoW. Donc comment ça se passe pour avoir de nouveaux abonnés? Déjà, comme on en a parlé tout à l'heure, les extensions. Donc en fait, tous les à peu près 2 ans, ils sortent vraiment un giga contenu avec, comme on l'a dit, un nouveau monde, des nouveaux donjons, des nouveaux raids, parfois des nouvelles classes, parfois des nouvelles races. Et du coup, les joueurs sont là en mode... Il y a plein de contenu, c'est excellent, ça fait revenir certains joueurs. Souvent, on a un pic vraiment de joueurs à ce moment-là. Et les gens jouent au contenu, etc. Ils sortent aussi, comme j'ai dit, tous les 6 mois, un peu plus de contenu, donc ce qu'on appelle des patchs. Donc ils rajoutent un raid en plus, une petite île en plus avec du contenu. Et du coup, les joueurs reviennent. Et il y a toujours des choses à faire. Oui, c'est toujours des correctifs additionnels. C'est pas forcément juste des correctifs qui vont mettre fin à un bug, comme ça peut être le cas pour d'autres jeux. C'est ça. Et en plus, ils font aussi des correctifs parfois toutes les semaines sous forme de patch notes. Par exemple, quand il y a des problèmes, ils les fixent. Enfin, vraiment, ils sont avec nous. Ils regardent ce qu'on fait. S'il y a un problème, ils le fixent tout de suite. C'est pas, ils lancent le jeu et après, débrouillez-vous. C'est vraiment, il y a du contenu. Oui, ils sont avec suivi. Nous. C'est il y a ça, un totalement suivi. Et en hors antenne, vous disiez que les fans s'étaient tellement emparés de WoW que ils avaient développé aussi un système de serveurs privés. C'est-à-dire que quand certaines parties du jeu n'étaient plus accessibles, certains joueurs avaient continué de faire exister le jeu sur des serveurs personnels. C'est ça. En fait, certains joueurs ont créé des serveurs privés, donc pour revivre les extensions d'antan. Parce que justement, quand on bascule sur une extension, c'est tout le monde bascule dessus. Et finalement, il n'y a pas assez de joueurs pour jouer au contenu d'avant. Et du coup, ils recréent un serveur privé qui est bloqué sur cette extension-là. Ils la font, ils y jouent en boucle. Et c'est d'ailleurs pour ça que WoW Classic, les développeurs du coup Blizzard, a ressorti WoW Classic il y a à peu près 2 ans. Et maintenant, Burning Crusade aussi, qui sont les 2 premières extensions de World of Warcraft. D'accord. Et dernière question, parce qu'il faut évidemment qu'on en parle, et là je me tourne vers Olivier Bénis, parce que hasard de malheureux de l'actualité, Blizzard en ce moment a des gros soucis. Activision, la maison mère en fait, oui. Plus particulièrement, mais Blizzard aussi est dedans, oui, parce qu'il y a un peu comme il y a eu chez Ubisoft l'année dernière, des accusations de un peu classiques malheureusement dans le monde du jeu vidéo, de discrimination sexuelle notamment. Voilà, donc c'est un petit peu compliqué, mais il s'est passé quelque chose aujourd'hui d'assez intéressant, c'est qu'il y a les salariés de Blizzard eux-mêmes se sont mis en grève contre leur propre direction. Ils ont dit qu'ils allaient participer à la marche aussi. Voilà, parce que en fait ils considéraient que la réponse de la direction à ces problèmes-là n'était pas suffisante ou pas appropriée, et ils ont vraiment pris le truc à bras le corps. Et le compte Twitter officiel de World of Warcraft a lui-même publié un communiqué qui va presque contre ce que dit la direction, le grand patronat, enfin le patronat d'Activision. Voilà, il y a l'islamo-gauchiste qui s'est réveillé d'un sorti d'un coup. Là. Guillaume Meurice sort de ce corps. Voilà, mais non, tout ça pour dire que c'est assez inédit justement, parce que les gens estiment que C'est des développeurs qui estiment qu'ils sont responsables en fait du monde qu'ils ont créé et donc aussi de l'ambiance qui y règne, que ce soit au travail ou dans l'intérieur du jeu. Et ils ont même annoncé qu'ils allaient faire des modifications dans le jeu pour prendre en compte plus de diversité, plus de choses comme ça. Bon, ouais, je suis content qu'on l'ait évoqué quand même, mais c'était pas le but de l'émission. Et puis il faut ajouter aussi qu'il y a quelque chose qui s'est passé, mais cette fois-ci du côté des joueurs par rapport à ça, c'est qu'il y a eu des manifestations, comme les gens ne pouvaient pas forcément se déplacer dans la réalité, on va dire, et bien ils se sont tous connectés, ils ont fait des manifestations et virtuelles à l'intérieur du jeu, justement pour contester les réponses de la direction. Ça. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission consacrée à WoW. Cruella, Justine Boulanger, Vincent Berry, Olivier Bénis, merci. Vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou sur Twitter avec le hashtag BlockbusterEFI. N'ayez pas peur, je ne mords pas. Enfin, pas souvent. Disons qu'en général, non. Pas trop. Bon, faites gaffe quand même. Demain dans Blockbuster, il a fait le tour du monde en 80 jours. Comme le Covid. Il a découvert une île mystérieuse, comme dans l'or. Il est allé de la Terre à la Lune, comme Thomas Pesquet. Il a voyagé plus bas que Terre, comme Manuel Valls. Demain, on parle de Jules Verne. France Inter.